Bonjour, je suis Isabelle Autissier, présidente d'honneur du WWF France. En tant que navigatrice, je constate les effets du réchauffement climatique sur les océans et les glaciers. Notre planète se dégrade, mais ce n'est pas une fatalité. Ensemble, nous pouvons la protéger. En faisant un leg au WWF, c'est une planète vivante que nous transmettrons aux jeunes générations. Demandez votre brochure leg sur transmettre.wwf.fr ou appelez Camille Perrier au 01 73 60 40 40. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les forçats de l'amour, ou quand l'appât du gang des barbares et le directeur d'une prison tombent amoureux. Le 16 février 2012, au tribunal de grande instance de Versailles, le président ironise. Un dévouement pareil du personnel pénitentiaire, je n'avais jamais vu ça. Face à lui, Florent Gonsalves, la quarantaine, et Emma Arbabzadeh, 23 ans. Le premier est l'ex-directeur de la maison d'arrêt des femmes de Versailles. La seconde est l'appât du gang des barbares, à l'origine de la séquestration et de l'assassinat antisémite d'Ilan Halimi en février 2006. Le duo entretient une liaison pendant plus d'un an en plein cœur de la prison de Versailles. Un geôlier qui tombe fou amoureux d'une de ses détenues malgré la différence d'âge et surtout la loi. Une gamine qui fait de son mieux pour améliorer ses conditions de détention pendant sa peine de 9 ans. La situation est inédite. Alors, qui a manipulé qui? Comment expliquer l'itinéraire d'Emma? Et qu'est-ce que cette idylle carcérale raconte de la détention féminine? Notre invité aujourd'hui, Morgane Sportes, auteur du roman « Tout de suite », paru en 2016 chez Fayard, sur l'affaire Ilan Halimi, précisément. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Constance Villanova, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Bisio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. « 25 septembre 2007. Encadrée par les agents, Emma Arbabzadeh traverse l'entrée du grand bâtiment. Pas le temps d'apercevoir au loin la grille dorée du palais de Versailles. Le camion pénitentiaire se gare directement dans la cour d'honneur. 19 ans, les cheveux bruns, parfaitement lissés, numéro d'écrou 952-621. Emma a embarqué avec elle 4 ou 5 cartons qui renferment ses trésors. Du maquillage, des fringues, des CD, des DVD, des livres et des cahiers. Après la fouille, on lui donne son paquetage, couverture, drap et nécessaire de toilette. Emma découvre sa cellule où se trouvent deux couchettes. Bienvenue, si je puis dire, à la maison d'arrêt des femmes de Versailles, plantée en plein centre de la très chic ville des Yvelines. Cette tôle-là n'a rien à voir avec la fourmilière qu'était fleurie Bérogis, où Emma vient de passer 19 mois dans 9 mètres carrés. Non, dans cet ancien pensionnat, construit en 1750, se cache l'un des deux seuls établissements français qui accueille exclusivement des femmes. L'administration pénitentiaire ose même parler de prison familiale. Un établissement à la capacité d'accueil de 139 places et qui n'admet que des peines courtes. Mais une prison reste une prison. L'ensemble du bâtiment est entouré d'un chemin de ronde. Le secteur des femmes s'étend sur deux niveaux, le long desquels les cellules sont réparties en fer à cheval. Une configuration qui permet aux surveillantes de balayer d'un seul coup d'œil l'ensemble des deux étages. Des filets sont étendus pour éviter les tentatives de suicide. La fiche d'Emma Arbabzadeh ne sort pas de l'ordinaire. Enfin, presque. Deux mentions attirent l'œil. D'abord, risque suicidaire. Deux tentatives par prise de médicaments. Et plus loin, médiatique affaire Fofana. Bertrand Tavernier s'était inspiré de faits réels pour son film « L'appât » il y a quelques années. « L'appât », ces dernières semaines, c'est une jeune fille qui séduit un homme, lui donne rendez-vous pour ensuite séquestrer la victime à l'aide de complices. Avec à chaque fois le même mode opératoire, le gang a fait plusieurs tentatives, Sébastien Logénie. Une jolie blonde, les cheveux mi-longs, au visage fin, mesurant près d'1m65, c'est le portrait robot d'une des trois jeunes filles qui sert d'appât à ce groupe de kidnappeurs. L'approche se fait toujours de la même façon, par la séduction. La première tentative recensée par la criminelle remonte au mois de décembre, puis c'est au tour d'un père de famille dont le fils est producteur de disques. Il se retrouvera kidnappé dans un parking par au moins trois hommes et ne doit son salut qu'à des passants. La dernière victime n'aura pas cette chance. Il disparaît le 21 janvier dernier. Quelques jours plus tôt, ce vendeur de portables est abordé par une une jolie maghrébine, là aussi dans son magasin. Pendant les 3 semaines de sa séquestration, les ravisseurs vont sans cesse changer de revendication, passant de 450 000 à 100 000 euros de rançon. Emma, ou Sorour Arbab Zedeh, dite Yalda ou Nour, et plus communément Emma, depuis qu'elle vit en France, c'est donc cette jeune fille qui a servi d'appât au gang des barbares. Le 20 janvier 2006, sa mission était de séduire et de piéger Ilan Halimi. Après 28 jours de séquestration et de torture, le 13 février, la victime de ce crime antisémite est retrouvée brûlée, bâillonnée et agonisante le long des voies ferrées du RERC à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ilan Halimi décède peu de temps après son transfert à l'hôpital. Cette affaire, vous la connaissez sans doute, c'est l'un des crimes antisémites les plus horribles de l'après-guerre en France. Une tragédie qui a plongé la communauté juive dans l'angoisse et dans la douloureuse réminiscence d'une époque qu'on espérait révolue. Mais quel était le rôle d'Emma dans cette horreur, ce crime mené par Youssouf Fofana et sa bande? Pour comprendre, il faut revenir au 17 janvier 2006. Ce jour-là, Emma, 17 ans, élève de seconde en pensionnat à Thiers, attend sur le trottoir de la gare RER de Denfert-Rochereau. Il est 14h, elle porte des cuissards blanches, un jean clair très moulant, un chandail rose, une écharpe assortie. Très maquillée, comme d'habitude. Elle a rendez-vous avec un certain Youssouf, un type de bagneux que sa copine d'internat, Tiphaine, lui a présenté. Quelques semaines plus tôt, il lui avait proposé une mission. Draguer un mec pour quelques centaines d'euros, et ça avait raté. La lycéenne a des rêves de shopping plein la tête, alors pourquoi pas retenter le coup? Une Twingo noire se gare. Elle monte. À son bord, Youssouf Fofana, 26 ans, tassé derrière le volant. Immense, massif, des allures de mec des cités. Qui ne lui fait pas peur pour autant. Il lui explique son plan, kidnapper un mec, demander une rançon à ses proches. La voiture file vers le boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement de Paris. Fofana donne alors ses consignes. Emma doit entrer dans l'une des boutiques de téléphonie qui longe la rue, draguer un vendeur et demander son numéro de portable, mais surtout ne pas donner le sien, ni son nom. Et surtout trouver un gars pas costaud. Bien, bon, c'est pas la mer à boire, se dit-elle. La preuve, elle claque la porte, observe et choisit une échoppe. Au hasard, numéro 246, Voltaire Phone. À l'intérieur, pas de client. Elle repère le jeune vendeur, 23 ans, cheveux bruns coupés courts, visage mat, sourire ultra bright. Dans son roman sur l'affaire tout de suite, Morgan Sportes retranscrit les déclarations d'Emma lors de l'enquête. Il était beau, sympathique. Je lui ai posé des questions sur différents modèles de téléphone, espérant qu'il allait me draguer, car je n'arrivais pas à engager le truc. C'est lui, en fin de compte, qui m'a donné son numéro de téléphone. Il l'a inscrit sur un bout de papier, avec son prénom à côté. Puis il a dit « Si vous ne trouvez pas moins cher ailleurs, revenez, j'essaierai de vous faire un prix. » Souriant, il ajoute « Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. » Le prénom que le jeune homme inscrit sur le bout de papier, c'est Ilan Halimi. Elle lui téléphone dans la soirée sous l'œil attentif de Fofana. Et rendez-vous est fixé le vendredi suivant, 20 janvier, dans les environs de 22h, porte d'Orléans. De retour de son internat à Thiers, Emma se vante de ses futurs coups auprès de ses copines. Fanfaronnade adolescente de celle qui connaît des caïds, des vrais. Mais derrière cette assurance de façade, elle regrette et elle songe à faire marche arrière. D'ailleurs, elle demande des détails à Tiphaine, la copine qui lui a présenté Youssouf. Que deviendra le garçon? Son ami la rassure. Ils le libéreront après la rançon, ce sera rapide. Et Youssouf Fofana insiste. Elle ne peut pas lâcher lui et sa bande. Ses hésitations, elle les raconte à la brigade criminelle dans sa déclaration. Un document que se sont procurés les journalistes Frédéric Ploquin et Maria Plobette et qu'ils citent dans leur livre « Femmes hors la loi ». La veille de l'enlèvement, j'ai dit à Tiphaine que j'avais peur et que je n'avais plus envie de le faire. Elle m'a dit que je ne pensais qu'au négatif et que je ne pouvais pas reculer. Autrement, Youssouf allait s'énerver. Youssouf m'a dit que je devais être naturelle. Il a ajouté que je devais le chauffer et même s'il le fallait l'embrasser, ce que je n'ai pas accepté de faire. J'étais prête à lui prendre la main, mais pas plus. Youssouf a ajouté que nous étions des Arabes et des Noirs et qu'il fallait qu'on se soutienne. Je lui avais dit que je n'étais pas arabe. Il lui a même demandé s'il était raciste. Il m'a dit que non. Mais d'après lui, les Juifs étaient les rois, car ils bouffaient l'argent de l'État. Et lui, comme il était noir, était considéré comme un esclave par l'État. Je lui ai demandé ce qu'il comptait faire si les personnes n'avaient pas d'argent. Il m'a répondu que ce n'était pas possible, car les Juifs étaient solidaires entre eux. Le vendredi avant l'enlèvement, Youssouf a dit qu'il allait demander à la famille une rançon d'environ 300 000 euros et que chacun aurait sa part, sans donner le montant. Le 20 janvier 2006, jour de l'enlèvement, Youssouf Fofana va chercher Emma chez sa mère dans son petit pavillon d'Aulnay-sous-Bois. Face à la gamine balbutiante et apeurée, il hurle. Il perd son sang-froid, bégaye de colère. Non, décidément, il n'y a plus d'issue. Elle doit accepter. Alors, il lui explique le plan. Tout est réglé à la minute près. Cette nuit-là, Emma porte à nouveau ses bottes blanches et un manteau vert. Emma Arbabzadeh est belle. C'est un atout pour son rôle d'appât, bien sûr. En voiture, il entraîne à Sceaux pour repérer les lieux du guet-apens. À la Coulée Verte, pas loin d'un gymnase. Après le rendez-vous, elle demandera à Ilan Halimi qui la raccompagne en voiture jusqu'ici. Les gars de Youssouf l'attendront en planque derrière le buisson. Une fois sa mission accomplie, en récompense, elle dormira dans un hôtel 3 étoiles près de Montparnasse. Une nuit qu'elle compte partager avec Samir, son amoureux du moment. Il est 23h en ce 20 janvier 2006. L'appât arrive porte d'Orléans. Ilan Halimi sort de sa voiture. Lui, des étoiles dans les yeux, elle, marionnette de 17 ans, submergée d'angoisse. Elle lui propose de boire un dernier verre, chez elle. Arrivée à Sceaux, elle lui demande de se garer sur le parking du gymnase. Le duo marche dans la nuit. Elle s'arrête et lance « Ah, je ne sais pas où j'ai mis mes clés. » Cette phrase, anodine, c'est le signal. Alors trois garçons cagoulés jaillissent des fourrés et sautent sur Ilan. Tétanisée, Emma reste immobile. Elle voit les types lui attacher les pieds. Elle croise le regard d'Ilan. Il a compris. Il appelle à l'aide. « Avec une voix de fille », décrira-t-elle plus tard. « Dégage !» lui hurle Fofana. Elle prend la fuite. Après sa nuit à l'hôtel, Emma déjeune chez sa mère avec une copine dans le petit pavillon d'Aulnay-sous-Bois. Au même moment, la compagne d'Ilan Halimi et son père reçoivent une première demande de rançon de 450 000 euros de la part de Fofana. Dans les jours qui suivent, Emma flanche. Elle ne sait rien des séances de torture que font subir le gang des barbares aux jeunes captifs. Youssouf lui intime de se taire et lui promet 5 000 euros. Ils vont bientôt relâcher le gars. Or, le corps d'Ilan Halimi est retrouvé mutilé le 13 février 2006. Le 28, la maisonnette d'Aulnay-sous-Bois est perquisitionnée. Quand la police arrive, Emma prend le temps d'enfiler ses cuissardes blanches. Transférée à Fleury, elle est enceinte de cet amant avec qui elle a passé la nuit dans l'hôtel de Montparnasse. Elle avortera en prison. Face à une France sous le choc, Emma devient l'appât, la tentatrice, la porte d'entrée d'Ilan Halimi vers l'enfer. L'avocat de la famille Halimi, Maître Spinner, insiste bien sur ce point. Cette femme est avec Fofana le pilier de l'affaire. C'est elle qui choisit Ilan Halimi. C'est elle qui l'attire dans le guet-apens. C'est elle qui s'en va en l'entendant pousser un cri terrifiant. Qui est cette Emma ? Emma fait partie de ces ados à la vie cabossée par la violence. Née en Iran, sa mère a été mariée de force à 16 ans. La famille du père veut marier Yalda de force, elle aussi, alors qu'elle n'a que 10 ans. Sa sœur aînée est handicapée. La mère prend la fuite direction Téhéran avec ses deux filles. Elle obtient le divorce. En 1999, celle qui s'appelait Sorour atterrit en France. Sa mère, déterminée, décroche un poste dans un hôpital en Seine-Saint-Denis. Sorour prend vite goût au meurtre de son nouveau pays d'accueil. Son nom est francisé, elle devient Emma ou Yalda, mais plutôt Emma. quand elle va au collège, elle plante toujours une deuxième tenue, mini-jupe dans son sac à dos, histoire de se changer à l'abri du regard inquisiteur de sa mère. Emma a soif de liberté. Elle n'a qu'une vie et elle est bien déterminée à la croquer à pleines dents. Comme la majorité des adolescentes, finalement. Mais à 13 ans, un autre drame. Un lycéen la piège. Elle est alors victime d'un viol collectif par trois garçons mineurs. La mère souhaite porter plainte, mais la police la décourage d'un « Oh, habillée comme elle est, faut pas s'étonner ». Trop provocatrice à 13 ans. Donc, pas de dépôt de plainte. Elle n'avait qu'à être correcte. Dans son roman, Morgan Sportes retrace l'adolescence tragique d'Emma. La jeune fille en tire un profond ressentiment et contre sa mère et contre les garçons en général. Elle tombe alors, et pour de bon, de provocation en provocation. Elle drague sur Internet, rêve de devenir mannequin, actrice. Elle pose pour des photographes plus ou moins bidons qui ne se préoccupent guère du fait qu'elle est mineure. On a des photos d'elle âgée de 16 ans, lassivement allongée sur un canapé ou dans une robe hyper décolletée, un chapeau de paille sur la tête. Tombant un jour sur ces photos que la fille a faites en secret, la mère s'affole. D'autant qu'elle se met à sortir en boîte. Elle ne peut la tenir. Pour l'éloigner des caïras des cités, elle s'endette jusqu'au cou et achète un joli pavillon à Aulnay-sous-Bois, dans un quartier de classe moyenne. Par ailleurs, s'adressant à un juge des enfants, elle parvient à faire placer celle-ci en 2005 dans un internat, l'Institut Grignon à Thiers, en banlieue sud. C'est dans cet internat qu'elle rencontre Tiphaine qui lui présentera Fofana. Dans l'attente de son procès, elle est transférée à la maison d'arrêt de Versailles en septembre 2007. Elle bénéficie de ce que l'administration pénitentiaire appelle le rapprochement familial pour faciliter, en l'occurrence, les visites de sa mère au parloir. Try to. Aujourd'hui, Emma, l'appât de l'affaire Alibi. France Inter. Affaires sensibles. Ce 25 décembre 2007, depuis son bureau avec vue sur la cour d'honneur, le directeur de la maison d'arrêt des femmes de Versailles ne remarque ni le fourgon de l'administration pénitentiaire qui stationne, ni Emma qui en sort. En uniforme, cheveux coupés ras à la militaire, Florent Gonsalves, 37 ans, est un bourreau de travail, du genre qui ne compte pas ses heures et qui a vite gravi les échelons. Né dans un milieu modeste, d'un père maçon d'origine portugaise et d'une mère secrétaire, il commence d'abord à travailler dans les assurances-vie, puis chez McDonald's. C'est en feuilletant, par hasard, le quotidien Sud-Ouest, que son regard se pose sur une publicité pour l'administration pénitentiaire. Pourquoi pas une carrière dans ce secteur, se dit-il. Bonne pioche. À 25 ans, il devient le plus jeune officier de France de la pénitentiaire. Après un passage par la Santé et Saint-Mihiel, il prend la tête de la Maison des Femmes de Versailles. Et il améliore le quotidien des détenus. Pose de lino en simili-parquet, micro-ondes, petit frigo et télé en cellule. Chaque soir, après sa journée de 12 heures, Florent Gonsalves grimpe sur son scooter et rejoint en une poignée de minutes son très chic appartement de fonction. 120 mètres carrés, en plein cœur de Versailles, moulure au plafond. Il y retrouve sa compagne, avec qui il partage sa vie depuis 12 ans, et sa fille de 6 ans. Mais il ne décroche jamais vraiment du boulot. Son portable fonction est toujours allumé, en cas d'urgence, 24 heures sur 24. Dans son livre « Défense d'aimer » paru aux presses de la Cité en 2012, il explique. « J'ai remarqué pour la première fois son existence au printemps 2008 à l'occasion d'un défilé de mode. Elle se trouvait donc à Versailles depuis 6 mois déjà, mais je n'avais pas spécialement fait attention à elle, même si je l'avais forcément croisée. Le défilé avait été organisé par les responsables de l'atelier confection. Les filles recevaient une formation à l'issue de laquelle elles obtenaient un petit diplôme qu'elles pouvaient faire valoir à leur sortie. Le podium prêté par la mairie avait été dressé au rez-de-chaussée en bas des coursives et une dizaine de filles ont défilé, arborant fièrement leur création. Elles tranchaient au milieu de détenus parfois physiquement usés ou très abattus. Je me suis dit, elle est jolie cette fille, elle sort du lot. Je ne lui ai pas parlé et je n'ai pas envisagé de le faire. Je suis retourné dans mon bureau pour me consacrer à mes dossiers et le soir, je suis rentré chez moi, sans une seule pensée pour elle. À la maison d'arrêt, Emma travaille au service général. Tous les matins, elle dissimule sa chevelure brillante sous une grossière charlotte. Et en blouse blanche, elle s'occupe de la distribution des repas, épluche les pommes de terre, s'occupe de la plonge et du ménage. Le tout pour 9 euros par jour. Le 29 avril 2009, elle quitte la maison d'arrêt pour le procès du gang des barbares. Des audiences ont lieu à huis clos, comme le veut la loi, vu son âge. Ils sont 27 en tout dans le box. 18 hommes et 9 femmes, jugés par la cour d'assises spéciale pour mineurs du palais de justice de Paris. Emma est condamnée en première instance à 9 ans de prison. Mais à la demande de Michel Alliou-Marie, garde des Sceaux à l'époque, le parquet fait appel. Retour à la maison d'arrêt des femmes de Versailles dans l'attente de ce deuxième procès. En septembre 2009, le directeur de la prison s'attaque à la réorganisation de la cantine qui permet aux détenus d'acheter des produits de l'extérieur qu'elles payent souvent 2 à 3 fois le prix standard. Désormais, elles bénéficieront sans surcoût des produits d'une grande enseigne. Mais pour organiser les commandes et la distribution, Gonsalves doit créer un nouveau poste pour l'une de ses détenues. Celle-ci devra savoir manier Excel et avoir quelques bases en informatique. En feuilletant les dossiers, il choisit Emma. Tous les vendredis, de 16h à 18h, il initie le logiciel dans la salle informatique. Seul, en tête à tête. Et, premiers éclats de rire, les corps qui se rapprochent, des mains qui se frôlent au moment d'attraper la souris. La suite, Florent Gonsalves la raconte dans son ouvrage « Défense d'aimer ». Un jour, au tout début du mois de décembre 2009, elle a demandé à me voir et je l'ai reçue dans le local de la bibliothèque. Elle a battu ses cartes très vite, sans doute parce qu'elle avait eu le temps de répéter la scène. La part de malice qui s'y mêlait ne m'a pas échappé. Son coup de théâtre est une façon de me tester en direct. Elle m'a annoncé « Voilà, j'ai demandé à être transféré ». J'ai ressenti un pincement au cœur bien vite relayé par de l'incompréhension, ou plutôt par un début d'intuition. La prison de Versailles, c'était l'établissement dont auraient rêvé bon nombre de détenus en France. Alors, pourquoi voulait-elle partir, sinon pour s'éloigner de moi ? Et aussi mesurer ma réaction, évidemment. J'ai rassemblé tout mon sang-froid pour demander aussi posément que possible « Et pourquoi ?» Elle a répondu d'une voix assurée « J'ai un problème. »« Très bien, dites-moi. » Elle a lâché la bombe. « Mon problème, c'est vous. » Deux jours plus tard, discrètement, elle lui tend une lettre, une déclaration d'amour. Comme ça, c'est clair. Le 8 décembre 2009, dans la salle informatique, Florent Gonsalves, 40 ans, directeur de la maison d'arrêt des femmes de Versailles, échange son premier baiser avec Emma Arbabzadeh, 21 ans, détenue et appât dans l'affaire du gang des barbares. C'est le début d'une idylle interdite. Elle se confie, lui raconte tout de sa naissance en Iran, aux agressions sexuelles commises par son oncle, à la culpabilité qui la dévore quant à son rôle dans l'assassinat d'Ilan Halimi. Elle retrace ses différentes tentatives de suicide, le viol dont elle a été victime, sa haine de l'école, la juge des enfants qui l'a placée en internat pour la protéger d'elle-même, les deux visites hebdomadaires de sa mère, ici, en tôle. Lui a le cœur qui s'emballe. Il ne perçoit pas la différence d'âge, la faute déontologique de la souffrance de sa compagne. Non, il fonce, tête baissée, vers sa chute. Après quelques semaines de cette liaison, elle lui confie avoir planqué dans sa cellule un téléphone portable. L'amant qu'il est ravi, le directeur qu'il est moins. Il sait mieux que personne que les détenus ont toujours exhalé pour se procurer des mobiles. Mais les sentiments l'emportent. Florent profite pour lui téléphoner dans un premier temps depuis une cabine. Et puis, au diable les précautions, il lui passe des coups de fil et lui écrit directement depuis son numéro. Toute la nuit. Elle, enfermée dans la cellule numéro 30, cachée sous son drap, cramponnée à son ours en pluche, lui dans son 120 mètres carrés, à l'abri du regard de sa compagne. Les deux tourtereaux consomment 26 000 unités téléphoniques par mois. Les messages fleurs bleues s'enchaînent. Elle l'appelle mon cœur, lui fleur d'Orient. Il lui promet qu'à sa sortie, ils passeront une nuit de rêve dans l'hôtel 5 étoiles, le Crillon. Le soir, Gonsalves regarde le feuilleton « Plus belle la vie » en même temps que la détenue, comme s'ils étaient côte à côte. Il la filme à deux reprises avec son téléphone et lui envoie quelques clichés à un brin guicheur. Les deux heures en privé dans la salle informatique ne lui suffisent plus. En février 2010, pour encore communiquer en plus avec elle, il lui crée un compte Facebook. Les yeux éclatés par la lumière de son ordinateur, il passe ses nuits à échanger avec elle sur la messagerie instantanée. Emma a la vingtaine et tous les travers qui vont avec. Comment empêcher une jeune femme de se confier auprès de ses co-détenus devenus ses amis les plus chers ? Alors elle raconte cette folle histoire d'amour, sans vente. Dans les coursives, on murmure qu'elle se fait même appeler « Madame la directrice ». Très vite, la rumeur se propage et éveille des jalousies intestines entre détenus où la chasse au traitement de faveur, même des plus minimes, fait rage. Cet amour improbable, mais réel, elle le confesse aussi à sa mère dans un courrier à l'écriture adolescente, tout en rondeur. Florent a réussi à me combler. Si je l'aime autant aujourd'hui, c'est parce qu'il a réussi à me faire connaître le bonheur pendant un petit moment de ma vie. Il a été comme un père, un confident et un mari. Bref, il a réussi à faire changer mon opinion sur les hommes. Mais le côté fleur bleue qui prévalait jusque-là tombe d'un seul coup quand on sait que Emma entretient une autre relation avec un autre homme de la maison d'arrêt. Oui, un certain Olivier P., 36 ans, surveillant et délégué syndical de l'Union fédérale autonome pénitentiaire. Lui aussi discute sur Facebook avec la jeune femme. Lui aussi devient son confident. Lui aussi lui envoie des lettres qu'il signe d'un presque comique Zorro. Et ce qui devait arriver arrive. Gonsalves découvre son rival. Rongé par la jalousie, il ordonne à Emma de dire au surveillant qu'elle sort avec le directeur, histoire de calmer ses ardeurs. Emma prévient Olivier P. de sa relation avec son patron, mais elle continue d'échanger avec lui. À vrai dire, elle s'ennuie, ce qui est le cas de beaucoup de prisonniers. Elle échange avec l'un quand l'autre n'est pas disponible. La rivalité enfle dans ce triangle amoureux jusqu'à le faire exploser. Dans un courrier du 20 avril 2010, l'Union fédérale autonome pénitentiaire, dont Olivier P., rappelons-le, est délégué, alerte le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris sur le comportement du commandant. Je cite. L'épreuve ? Un rendez-vous privé un peu long avec Emma Arvadzadeh le 24 décembre 2009. Ainsi qu'une affaire de gâteau d'anniversaire. Un immense fraisier qu'elle aurait eu l'autorisation de se faire livrer. Le procès en appel du gang des barbares approche. Aveuglé, le directeur s'inquiète plus de sa séparation avec Emma le temps de l'audience que de la rumeur qui s'échappe des grilles de la prison. Pire encore, sa compagne, la mère de sa fille, elle aussi dans l'administration pénitentiaire, se doute de la liaison. Elle repère le portable collé à la main de son mari. Elle repère les cernes dues aux nuits passées sur Facebook. Et elle lui demande d'arrêter. Alors, il continue. Le 18 octobre 2010, Emma paraphrène en vue de son procès en appel. Il s'ouvre le 25 octobre à Créteil devant la cour d'assises des mineurs. Pour qu'il puisse continuer à échanger d'une prison à l'autre, Florent met au point un plan. Il a repéré une boîte aux lettres abandonnée, pas loin de chez lui. Il y colle un faux nom, Fabien Sanchez. Elle n'aura qu'à faire partir ses missives d'amour de Puyfrène en indiquant cette adresse et ce destinataire. Il lui fournit aussi une puce de téléphone qu'il achète à son nom. Pendant le procès, il lui écrit tous les matins des lettres fleuves. Elle lui en envoie trois. Le 10 novembre, pendant qu'Emma passe nuit entre la prison de Fresnes et le tribunal, Florent Gonsalves est convoqué dans le bureau du directeur interrégional. Pendant 3 heures, 3 magistrats l'interrogent. En fait, ils savent tout, donc ils le conseillent. Il suffit d'avouer. Voilà, il s'est fait manipuler par l'appât du gang des barbares, une séductrice professionnelle. C'est une aguicheuse, elle s'est servie de lui. Mais lui n'en démord pas, ils sont amoureux. 15 jours plus tard, la direction interrégionale des services pénitentiaires décide de porter l'affaire à la connaissance du procureur pour qu'il diligente une enquête judiciaire. C'est la SRPJ de Versailles qui est chargée de l'enquête, un service d'élite. Après 1 mois et demi de procès, le 17 décembre 2010, le verdict tombe pour Emma. Peine inchangée pour l'APA, la jeune fille qui avait attiré Ilan Halimi. 9 ans de prison. Pour son avocat, c'est la preuve que cet appel était sous influence politique. Maître Antonovitch au micro de Nathalie Hernandez. On a fait le procès en appel pour elle. Et à l'arrivée, on a la même peine. On a la même peine, ce qui prouve que cet appel était totalement inutile. Emma ne retournera pas à Versailles. Elle reste à Fresnes. Le 10 janvier 2011, 3 hommes et une femme entrent dans le bureau du directeur. Des officiers de police qui notifient à Florent Gonsalves sa mise en garde à vue. Menotté, le directeur de prison est emmené dans son appartement. Au milieu des cartons de sa compagne qu'il a enfin quitté, les ordinateurs, les lettres, les téléphones, tout est saisi. Florent est placé en cellule au commissariat. Il y passe 48 heures, entrecoupées d'interrogatoires de 2 heures. Au même moment, ce 10 janvier 2011, Emma également est interrogée. Lui se défend, explique qu'il n'a jamais favorisé la détenue, que les parloirs ont été accordés par le parquet à des membres de la famille iranienne d'Emma de passage en France, et le gâteau d'anniversaire acheté à l'extérieur alors, eh bien, financé par l'éco-détenue elle-même, répond-il. L'avocat de Gonsalves lui conseille de dire qu'il était manipulé. Mais non, jusqu'au bout, le directeur l'affirme, c'est un homme amoureux. Ils ont une véritable histoire, comme il explique dans cette interview pour France Info. J'ai dû la séduire par mon côté protecteur, et puis elle a dû me séduire par son côté femme-enfant. Il n'y a rien de... Enfin, j'allais dire, il n'y a rien d'exceptionnel. Si, on a bien conscience aujourd'hui que c'est une histoire qui est peu banale, mais au demeurant, entre nous... lorsqu'on vivait cette histoire de l'intérieur, on la vivait comme une relation sentimentale, sans penser du tout à tout ce contexte si particulier. Je refuse de dire que j'ai été manipulé, c'est amusant, c'est, effectivement, parce que cette fille est considérée comme une manipulatrice, alors forcément elle m'a manipulé. Elle est qu'un, qu'un tout petit maillon d'une machination qui l'a complètement dépassé. Mise en examen sans contrôle judiciaire et toujours pas révoqué de l'administration pénitentiaire, dans un appartement vide qu'il ne pourra bientôt plus habiter, Florent Gonçalves néglige sa coupe militaire et se laisse pousser la barbe et les cheveux. Il a l'interdiction de communiquer avec Emma. Il est officiellement révoqué à l'été 2011. Alors qu'il lui écrit, elle ne répond pas à sa lettre. Et quand elle sort de prison, le 5 septembre, le couple se revoit, mais l'histoire d'amour s'arrête là. En février 2012, se tient le procès des amants de la prison. Florent Gonçalves est jugé pour remise irrégulière de correspondance, somme d'argent, objet au profit de détenus. Emma, elle, recèle. Compte rendu d'audience pour France Inter, Corinne Audouin. Ils sont assis côte à côte sur deux chaises qui font office de banc des prévenus. Très vite, Florent Gonçalves, costume gris, cheveux mi-longs, se penche à l'oreille d'Emma. En sweat et pantalon noir, la jeune femme a tiré ses longs cheveux sombres en arrière en un chignon très sage. Rappel à l'ordre sec du président du tribunal, pas très sensible à l'aspect romantique de l'histoire. Ici, on examine les faits, les accusations de favoritisme envers une détenue, mais pour cela, il faut comprendre les sentiments. Vous êtes sûr que vous êtes tombée amoureuse du directeur ? Demande le président à Emma. Elle lâche un petit oui, refuse d'en dire plus. Florent Gonçalves, lui, se défend, pinaille un peu maladroitement, nie les accusations de favoritisme, comme s'il continuait à protéger Emma. Son avocat, Pascal Garbarini. Je crois qu'il n'a pas encore fait tout à fait le deuil de cette histoire, donc c'est en cours. En plein procès, le livre de Florent Gonçalves, Défense d'aimer, publié aux presses de la Cité. Une publication qui dérange. La procureure l'accuse de rentabiliser sa comparution pour des faits très graves. Le tribunal correctionnel de Versailles tranche et condamne l'ex-directeur de la prison de Versailles à une peine d'1 an de prison ferme, une amende de 10 000 euros et une interdiction définitive d'exercer toute fonction publique. Emma, elle, écope d'1 an de prison, dont 8 mois avec sursis. Quand la procureure l'interroge sur cette relation, elle lui rétorque « Je n'ai pas envie d'en parler, c'est ma vie privée ». Les deux tourtereaux ne se reverront pas. Emma demande par l'intermédiaire de ses avocats se faire oublier et les deux amants partent chacun de leur côté. Le joli amoureux a tout perdu, sa compagne, son travail et son amour de prison. Maître Garbarini explique alors, il a trébuché, il a fauté, mais il a fauté par amour. Nous voilà. Mon amour, arrivé au bord du ravin. Et je sais, mon amour, que tu n'y comprends plus rien. Que tu songes au beau jour, mais aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est ton tour, il faut lâcher ma main. Mon amour, je t'abandonne au bord du ravin. Mon amour, qu'il est loin le creux du matin. J'ai déjà, par amour, sauté au fond du ravin. Je sais, mon amour, que ça n'échange rien. Tu veux sauter, mon amour, je vais prendre un autre chemin et chercher un détour. Il faut lâcher ma main. Mon amour, rendez-vous au fond du ravin. Vous écoutez Affaires Sensibles. Aujourd'hui, Emma Lapa, notre invitée Morgane Sportes. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes écrivain, vous avez publié en 2016 le livre Tout de suite, roman, je dis bien roman, qui s'appuie sur l'affaire du gang des barbares. Et en 2021, vous avez publié votre dernier livre chez Fayard. Toujours, les djihadistes aussi ont des peines de cœur, on en parlera également. Avant d'entrer dans la deuxième partie du sujet, finalement, il y a deux parties. Il y a l'affaire Halimi en soi et puis il y a l'idylle en prison. Il est clair que si l'idylle en prison vaut le détour, et c'est la raison pour laquelle nous racontons cette histoire, le plus important, l'essentiel de l'essentiel, c'est quand même l'affaire Halimi elle-même, hein, sur laquelle on va revenir. Alors on présente tout de suite ce livre sur l'affaire du gang des barbares comme un roman, mais on reste dans l'écriture du réel, j'ai envie de dire Truman Capote sort de ce corps. Oui, c'est la non-fiction novel, un roman non-fictif, c'est-à-dire tous les faits sont vrais. Ce qui relève de la fiction, voilà. C'est la mise en scène des faits. Mais quand on a affaire à une affaire aussi sensible, si j'ose dire, aussi tragique, on ne peut pas se permettre d'inventer. C'est pas... Bon, comment avez-vous mené cette enquête, pour le coup, avec cet objectif d'être dans le réel, tout en étant présenté comme un roman ? J'ai rencontré énormément de gens. J'ai même eu une correspondance avec le chef de la bande, Youssouf Fofana, dont la dernière lettre est assez étonnante. Il m'a promis un aller simple en seconde classe pour le jugement dernier. Oui, d'accord. Donc c'est un peu dur. Hein. Ouais. Je suis allé sur les lieux, ce qui est fascinant, parce que, je veux dire, il y a certains lieux où j'aurais jamais mis les pieds si cette affaire ne m'y avait pas conduit. Mmh. Et voir les lieux est extrêmement important, parce que ça nous permet de décrypter la psychologie des gens. Par exemple, ils ont voulu kidnapper, c'est la quatrième cible, juste avant Ilan Halimi, un type qui était juif d'ailleurs lui aussi, et qui considérait comme très riche. Alors il paraît qu'il avait une maison avec une piscine où il donnait des fêtes avec des meufs extraordinaires, et moi j'avais le dossier d'instruction, j'ai eu accès au dossier d'instruction avec l'adresse, je vais voir la maison du type très riche soi-disant, c'est une toute petite maison avec une toute petite piscine sous le RER. Donc vous voyez, ça permet de comprendre que ces gens-là n'ont pas les codes, c'est des jeunes, c'est des incultes, qui sont très naïfs. C'est des incultes. Ils veulent kidnapper quelqu'un, mais quand on kidnappe quelqu'un, c'est le baron en pain, quand on a un vrai truand. On ne va pas kidnapper un pauvre petit marchand de téléphone sous prétexte qu'il est juif et que les juifs, ça a de l'argent. Donc ils sont pris dans des clichés, dans les clichés de la société moderne. Et comme disait une des amies de Emma, Lapa, ils vivent dans un film. Ouais. Une série B. C'est de ça mène au drame quand même, hein. Ça mène au drame. Ça mène au drame. Du virtuel au réel. Et c'est ça qui m'a fasciné. D'ailleurs, qu'elle ait choisi le prénom Emma, c'est elle qui a choisi ce prénom français. Elle ne sait pas. D'ailleurs, j'ai envoyé le livre à son avocate que c'est le prénom de Madame Bovary. Et j'ai envoyé en Pléiade le livre à l'avocate, elle l'a refusé. Mais Madame Bovary est elle-même une femme victime de tous les clichés de la sous-littérature marchande de son époque. Mais aujourd'hui, en plus de ça, on a la télé, on a les mauvais films, etc. Donc ces gens-là vivent dans un monde virtuel. Mais ça ne les empêche pas de faire couler le sang. C'est moi qu'on puisse dire. On va quand même parler un petit peu de cette idylle avant de revenir sur l'affaire. Alors qu'elle est transférée dans la maison des femmes de Versailles, donc Emma rencontre Florent Gonsalves, le directeur. Alors on rappelle qu'il a 18 ans de plus qu'elle, ce qui en soi n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est que c'est une détenue qu'ils entament une relation. Quand cette affaire a commencé à être médiatisée, vous qui avez planché sur le gang des barbares, qu'est-ce que vous avez pensé ? Moi, je suis allé au procès à Versailles. Et quand j'ai vu Florent Gonsalves, il m'a paru un peu palichon, un peu un type très naïf, quoi. Je veux dire, c'est étonnant qu'il soit directeur de prison. Enfin, je sais pas, il y a un jour, le personnel des prisons, les responsables des prisons sont un peu bizarres. Un jour, je reçois un coup de téléphone, c'est la prison de je sais plus où. Monsieur Youssouf Fofana voudrait vous parler. Je leur dis, mais enfin, je venais de recevoir la lettre, là, où il me menace de mort. Je leur dis, mais enfin, qui m'écrive chez mon éditeur? Et je raccroche. Donc c'est bizarre, hein, c'est très très bizarre. Et le directeur de cette prison, d'ailleurs, il y a une erreur fondamentale. Ils ont mis dans cette prison de Versailles des complices d'Emma,

Et eux, parce qu'ils ont vu ça au cinéma, ils croient qu'ils peuvent réaliser comme ça un kidnapping à toute allure, alors qu'ils n'ont ni les moyens intellectuels de le faire, ni les moyens financiers. Ils n'avaient même pas de quoi se payer une carte de téléphone. Et à chaque fois, ils se payaient des cartes à 10 euros, ce qui veut dire que quand ils téléphonaient aux parents pour avoir la rançon, tout d'un coup, la conversation s'interrompait, vous voyez. C'est vraiment pathétique. Alors, dans votre livre et dans ses déclarations, on comprend vite qu'Emma a des remords. Hein, et ça compte quand même dans son parcours et dans son jugement. Ben oui, des remords, mais quand est-ce qu'elle a réellement pris conscience de ce qu'elle avait fait? C'est ça qui est difficile à déterminer. Elle a demandé à Tiffany, mais il va devenir quoi? Voilà, c'est horrible. Sur le coup, quand elle a vu le kidnapping se réaliser concrètement, parce qu'elle était présente sur les lieux, elle a vu le type hurler, elle a vu les types en train de lui lier les poignets et les chevilles. Donc ça a été un traumatisme, elle a très vite oublié, parce que juste après le kidnapping, elle va voir son petit copain qu'elle a dragué sur Internet, à l'Hippopotamus de Montparnasse, et elle va coucher avec lui ensuite dans un hôtel rue Vavin. C'est les frais généraux, ça. L'hôtel était payé par le chef de la bande, Youssouf Fofana. Donc il y a une espèce d'inconscience totale. Et le lendemain, une copine lui dit « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Parce qu'elle se vante. C'est pas des professionnels. Elle se vante à toutes ses copines qu'elle a participé à un kidnapping. Certains ne la croient pas. Et sa copine lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Et elle lui dit, c'est pour l'argent. Donc, il y a, l'argent, beaucoup, mais quoi, on lui proposait 5000 euros. Il y a un côté risque, un rapport risque-crime, argent. Elle ne fait pas que, pour 5000 euros, elle risque des 30 ans de prison. Donc, il y a une espèce de puérilité totale. Et d'ailleurs, cette puérilité, on la voit bien dans une héroïne qui lui ressemble beaucoup, c'est l'héroïne de Lapa, de mon livre Lapa, qui a été portée à l'écran par Bertrand Tavernier. L'affaire à table Sarraud-Soubra. Voilà, Soubra. Or, à la fin du film de Tavernier, et il y a une phrase qui est réelle, qui est tirée de mon roman, elle est arrêtée quelques jours avant Noël, elle est interrogée par un policier, elle lui dit tout. Elle a participé à 5 tentatives de crime, dont 2 réalisées dans des cas de façon atroce. Et à la fin de ses aveux, elle dit au policier, « Mais monsieur, maintenant que j'ai tout dit, est-ce que je vais être libre pour Noël? Parce que papa m'attend. Noël, c'est dans 2 jours. Ouais, » bah oui. Donc on est réellement... Et c'est là où se termine le film de Tavernier. Tout d'un coup, la musique s'arrête. C'est le silence. Or, on est dans le même type d'aliénation chez Sorour et Emma. Oui. Alors, est-ce qu'ils prendront jamais conscience de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire participer à des meurtres atroces? Je sais pas. Et pour résumer, que nos auditeurs sachent de quoi on parle, l'affaire des trois, là, à Atab Sarraud-Soubra, c'est en 84. 84, oui. Donc un trio de jeunes gens qui organisent des assassinats crapuleux. Alors Valérie Soubra, 18 ans, séduit les futures victimes. On est dans le même processus. Elle est donc l'appât. Il y a des points de concordance entre son profil et celui d'Emma. Vous m'avez parlé de Fofana, vous avez un contact avec lui. Alors on rappelle qu'apparemment... Un échange de lettres. Il sortira... J'ai une amie avocat qui est allée le voir en prison, on a parlé 4 heures avec lui en prison. Il sortira jamais de prison? Avec tout ce qui se passe en ce moment autour de lui. J'en doute, parce que d'abord, en prison, il a commis 2 agressions. Il a aiguisé une brosse à dents, il a poignardé des gardiens. Donc il a pris des peines supplémentaires. Et je vois pas comment on peut le laisser sortir, parce qu'il est vraiment dangereux. Quels sont devenus les autres? On va pas tous les faire, les accusés. Il y a un autre avec lequel j'ai correspondu aussi, celui que j'appelle Tête de Cré. Tête de Cré, c'est un Gaulois, il est blanc, parce qu'ils sont toutes les couleurs là-dedans. On est dans United Colors of Benetton. Il y a des Maghrébins, des Antillais, beaucoup convertis à l'islam d'ailleurs. Et lui, Tête de Cré, m'a envoyé une lettre assez bouleversante où il dit qu'il regrette tout ça. D'ailleurs, lui a arrêté à un moment donné. Il n'a pas continué, mais enfin, il était bien impliqué. Il était geôlier de... Oui, parce qu'il faut rappeler qu'ils étaient tous geôliers les uns après les autres, et puis se sont bien défoulés sur lui quand même, certains. Certains, oui, pas tous. Donc c'est vraiment bande organisée, quoi. Ouais. Mais la souffrance la pire d'Ilan Halimi, c'était qu'il était nu au fond d'une cave pendant une vingtaine de jours, alors qu'il faisait parfois moins 4 degrés. Vous imaginez? Donc il y avait, au-delà de l'envie d'argent pas envie crapuleux d'argent. Tout de suite, ouais. Il y avait quand même une violence et un sadisme de base de ces gens-là. C'était pas que l'argent, quoi. Ça, c'est surtout chez Youssouf Fofana. C'est-à-dire que peut-être que la police a mal joué, elle s'est pas rendu compte, elle a cru pendant un certain temps, la police, il semble, j'ai rencontré Noël Robin, qui était le chef de la crime, d'ailleurs, qui s'est suicidé quelques temps après. Elle a cru avoir affaire à des professionnels et ils ont donné ordre au père, c'était le papa qui le père d'Ilan Halimi qui correspondait avec Youssouf Fofana, qui l'appelait pour avoir la rançon. Ils lui ont dit de raccrocher au nez de Youssouf Fofana. Et ils se sont pas rendu compte que c'était un type, un débutant, un non-professionnel et un type qui était malade. Donc il était dangereux, il était réellement plus dangereux qu'un gangster professionnel. Ouais. Il a eu du ressentiment et il s'est vengé. Il s'est vengé sur Ilan Halimi. Alors qu'à la fin, il demandait au début 400 000 euros de rançon, il est descendu jusqu'à 5 000 euros. Donc vous ne pouvez pas le prendre au sérieux. Je pense qu'on aurait dû donner les 5 000 euros. On aurait pu sauver la vie de Ilan Halimi. Alors, pardon, mais il nous reste... Il y a eu une mauvaise appréhension psychologique, je crois. D'accord. Eh bien écoutez, merci infiniment. On n'a pas eu le temps de parler de votre dernier livre. Les djihadistes ont aussi des peines de cœur. Ça sort dans combien de temps? C'est sorti depuis combien de temps? Depuis 8 mois. Ah, ben on n'a pas eu le temps d'en parler. Ben, c'est une affaire encore pire. Hein. Bon, ben écoutez, on en parlera une prochaine fois. Entendu. Merci. Merci infiniment. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Idylle Carcérale, Idylle Interdite, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont.